La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la notion de vérité perdrait-elle connaissance? C'est une bien vieille histoire. Le doute et la certitude forment un couple turbulent mais inséparable, dont les aventures taraudent la philosophie depuis ses origines. Les lignes de démarcation entre ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, ce qu'on sait ignorer, ce qu'on ignore sans savoir qu'on ignore, n'ont cessé de hanter les philosophes. Socrate, Piron, Descartes, Wittgenstein, tous ont examiné avec fièvre les critères du vrai, chaque siècle apportant son lot de discussions et de remaniements. Qu'entend-on par certains? Ce qui a résisté à tous les doutes? Ce qui semble évident? Ce qui a été démontré? Voilà d'inusables sujets de dissertation pour classe de terminale, devenus aujourd'hui d'une brûlante actualité. Car à l'heure d'Internet et des bobards, aussi appelés fake news par l'effet de je ne sais quelle contagion sémantique, la vérité ne semble plus avoir une très grande valeur. Nous nous demandons presque systématiquement si elle peut être autrement que relative, subjective, temporaire, locale, partielle, instrumentalisée, culturelle, corporatiste, incomplète, contextuelle, voire factice. Dès lors, la question que je voudrais poser est celle-ci. Cet affaiblissement de l'idée de vérité explique-t-il comment l'art du mensonge a pu devenir si florissant? Si j'ai choisi ce thème pour notre émission d'aujourd'hui, c'est pour au moins deux raisons. La première tient en une anagramme sidérante que m'a envoyé Olivier Garcia, anagramme qui résume assez bien la situation. La phrase est celle-ci. « Le vrai se travestit en vérité alternative ». Pourquoi est-ce une anagramme? Parce que, et vous pourrez le vérifier stylo à la main, la seconde moitié de la phrase, « vérité alternative » au pluriel, est l'anagramme de la première moitié, « le vrai se travestit en ». « Le vrai se travestit en » a pour anagramme « vérité alternative ». Bien sûr, cette anagramme ne marche qu'en français, mais ce qu'elle dit semble valoir pour toutes les langues. Et la seconde raison, qui est la plus importante, c'est la lecture que j'ai faite d'un livre intitulé « L'art du mensonge », dans lequel on trouve des réponses à la question posée. Il se trouve que l'auteur de ce livre est devant moi. Bonjour Catherine Monroy. Bonjour Étienne Klein. Vous êtes journaliste, romancière, vous avez d'ailleurs tout récemment publié un roman intitulé « Un ami si dévoué ». Et il y a quelques mois, vous avez publié « L'art du mensonge » chez Larousse, dans lequel vous examinez la façon dont le mensonge se propage, se porte assez bien finalement dans la culture qui est la nôtre, dans notre société moderne. Et je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a conduit à écrire cet essai? Est-ce que la question du mensonge a une actualité particulière? Elle a une actualité particulière, évidemment, avec tout ce qu'on a vu avec Trump, mais Trump est bien au-delà du mensonge. Pour lui, il y a un philosophe américain, Harry Frankfurter, qui a parlé de la question du bullshitting, c'est-à-dire on n'est plus du tout dans le mensonge, parce que le menteur, d'une certaine manière, respecte la vérité. Parce qu'en fait, il base la fiction qu'il va inventer comme substitut sur la vérité. D'une certaine manière, il la respecte. Tandis que quelqu'un comme Trump, et on a de plus en plus de personnes qui sont dans ces vérités alternatives, sont dans une fiction. Et dans une fiction dans laquelle ils embarquent complètement leurs auditeurs. Et j'ai trouvé Vous pouvez dire qu'un menteur, il connaît la vérité. Oui, un menteur. Un bullshitter, l'ignore. Je ne sais pas s'il ignore, parce qu'en fait, il joue avec la fiction. Et j'ai trouvé très intéressant ce que disait justement ce critique littéraire qui s'appelle Adam Kirsch, qui faisait remonter ce glissement vers la fiction aux années 50. Parce que dans les années 50, en fait, il parle d'une émission qui s'appelait 21, qui était un jeu télévisé, dont a été tiré un film qui s'appelle Quiz Show. Et dans ce jeu, ça avait été très choquant qu'à un moment donné, un des candidats ait eu les réponses avant tout le monde. Et il explique qu'à partir de ce moment-là, il y a un besoin de vérité qui est né chez les spectateurs. Et donc, de plus en plus, la réalité s'est mêlée avec la fiction. On a la télé-réalité où d'un seul coup, ça apparaît comme une réalité, mais évidemment, c'est très scénarisé. Et en fait, il explique comme ça que les gens ont pris le goût de la fiction. Et en fait, on a envie qu'on nous raconte des histoires. Et on est un peu complice de ces histoires. Et peu à peu, le réel s'absente. Ah, le réel s'absente, oui, parce qu'effectivement, on n'arrive plus à faire la distinction entre le vrai et le faux. C'est beaucoup plus dangereux que si on sait que quelqu'un vous raconte une histoire, vous allez vous dire, mais oui, mais c'est, Il me raconte une histoire. Parce que la question du mensonge est quand même une vieille affaire. Ah, complètement. D'ailleurs, dans votre livre, en exergue de votre ouvrage, vous citez Blaise Pascal, « La vérité est si obscurcie en ces temps et le mensonge si établi, écrit-il, qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. » Exactement. Je pense que c'est une question qui a été même à la partir de Platon. Platon explique bien que pour gouverner, il faut un peu mentir quand même. Il y a l'idée que pour justifier qu'une oligarchie domine, elle va exercer un pouvoir en disant pas tout à fait la vérité. On a l'idée aussi que, d'une certaine manière, les citoyens sont un peu des enfants à qui on a le droit de mentir, comme le médecin d'ailleurs. Dans L'être et le néant, le gros livre de Sartre, dont je ne sais pas combien de gens l'ont lu entièrement, mais en tout cas, il y a un chapitre sur le mensonge qui distingue de la mauvaise foi. Il écrit ceci, qui va d'ailleurs dans le sens de ce que vous venez de rappeler. Il écrit « L'essence du mensonge implique que le menteur soit complètement au fait de la vérité qu'il déguise. On ne ment pas sur ce qu'on ignore, on ne ment pas lorsqu'on répand une erreur dont on est soi-même dupe, on ne ment pas lorsqu'on se trompe. L'idéal du menteur serait donc une conscience cynique, affirmant en soi la vérité, la niant dans ses paroles et niant pour lui-même cette négation. » Oui, parce que le menteur, en fait, il fait un exercice intellectuel assez, de haute voltige, parce que il doit non seulement inventer une vérité, en la basant sur ce que l'autre pense, en la basant sur ce qui va advenir, c'est-à-dire que l'autre va rebondir sur ce qu'il dit. Donc il est un peu comme un joueur d'échecs qui a deux ou trois coups d'avance. Et s'il n'était pas dans cette prouesse intellectuelle, d'ailleurs, on a remarqué que il y a une partie dans le lobe préfrontal qui s'active dangereusement quand on ment. Ben, on a besoin, c'est une forme d'intelligence parce qu'il faut avoir de l'empathie aussi pour arriver à mentir. Donc c'est un art. On y reviendra, mais ça veut dire que le menteur, il peut quand même devenir victime de lui-même, c'est-à-dire finir par croire à ses mensonges. C'est ce que dit Sartre un peu plus loin dans le chapitre que j'ai cité, ce qui veut dire que le menteur prend le risque de devenir un mythomane. Oui, alors la question de la mythomanie, en fait, il y a plusieurs écoles qui s'opposent. En fait, certaines écoles pensent qu'effectivement c'est un moment où on perd la conscience, le mythomane perd conscience de ce qu'il raconte. Et il y a une autre école qui dit effectivement que le mythomane, en fait, est un manipulateur qui va jusqu'à à manipuler, à faire croire qu'il perd contact avec la réalité. C'est une vraie question. Et à partir de quel âge est-ce qu'on se met à mentir? Est-ce qu'un enfant de 2 ans peut mentir, par exemple? On date un peu la fabulation à partir de 3 ans, quand l'enfant en fait a besoin de s'affranchir du regard de ses parents parce qu'il imagine qu'on lit en lui. Et souvent d'ailleurs, on ne l'en détrompe pas, on va lui dire « mon petit doigt m'a dit où tu étais ». Et donc en fait, il y a cette idée que si on arrive à inventer une fiction à laquelle les autres croient, finalement, on a un jardin intérieur. Et souvent, le mensonge est en fait une protection. C'est une protection par rapport à l'impression que les gens peuvent avoir une intrusion dans sa propre pensée. Donc on protège son intimité? Voilà. Et le mythomane, lui, qui va continuer à mentir plus tard, en fait, il va continuer à se protéger de l'image qu'on pourrait avoir de lui-même. Et là, ça devient effectivement une pathologie. Et alors, vous dites quelque part dans le livre que lorsque les autistes, par exemple, réussissent à élaborer des mensonges, c'est un signe de guérison. Oui. Alors comment est-ce que ça peut se démontrer et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, quand on parle à quelqu'un et qu'on a toujours un retour, la personne vous regarde, elle hausse les sourcils, elle bouge ses bras. En fait, le codage de la réalité, il vient surtout par les gestes, la gestuelle. Et en fait, l'autiste n'a pas toujours, il a rarement d'ailleurs, il peut pas décoder les gestes. Donc pour lui, en fait, il a plein d'inconnus. Alors que, en principe, quand on parle à quelqu'un, on va se dire, tiens, c'est complètement inconscient. Est-ce qu'il regarde vers la porte de la sortie? Est-ce qu'il regarde ses pieds? Est-ce qu'il me regarde? On a plein d'informations qui nous permettent de juger de la véracité d'un propos. Et donc, c'est une source d'angoisse énorme pour les autistes d'être en société. Est-ce que, c'est une question un peu vaste, je m'en excuse, mais est-ce que le numérique change la donne? C'est-à-dire que, on voit bien aujourd'hui qu'en quelques clics, on peut se construire une sorte de chez-soi idéologique, dans lequel les idées auxquelles on croit, ce qu'on pense sera constamment confirmé par des biais de confirmation, puisque des algorithmes vont vous alimenter en vidéo, en articles, qui vont dans le sens de ce que vous pensez. Et donc, dans le magma d'informations que nous recevons, il y a là le moyen de choisir sa vérité, finalement. Mais disons qu'on est, entretenu dans la vérité en laquelle on croit. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les algorithmes nous renvoient des informations qui sont, enfin, c'est de l'ordre de la croyance, en fait. Les faits prennent, une forme de croyance. Et en fait, on est entretenu dans, on n'est pas contrarié. En fait, là, il n'y a pas de contradiction. Et ce qui est important, c'est pas de, qu'on ait une vérité qui soit fausse, mais c'est qu'elle puisse être contrariée. Et puis aussi qu'on puisse l'avènement d'Internet fait qu'aussi on peut inventer des réalités, on peut s'inventer un profil, on peut c'est beaucoup plus facile de mentir par SMS. Il y a des moyens de savoir que les gens mentent par SMS, mais c'est lesquels? Par exemple, si on pose une question simple et qu'on met beaucoup de temps à y répondre, ou peut-être qu'on est en train de faire la cuisine, mais ou qu'on apporte une réponse trop complexe par rapport à quelque chose qui paraît simple. C'est qu'on a pris le temps de réfléchir pour inventer un mensonge. Oui, bah il faut inventer. J'avais pas pensé. Est-ce que plus on ment, c'est-à-dire est-ce que le mensonge est une forme de malhonnêteté à laquelle on finit par s'adapter, Oui, justement. Vous parlez d'un article dans une revue scientifique. Oui, je crois qu'il semble démontrer ça. Oui, et ce sont des chercheurs qui ont fait une étude, parce que maintenant, avec l'IRM fonctionnel, on arrive à voir quelles parties du cerveau sont en activité quand on ment. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une addiction au mensonge, de la même façon qu'il peut y avoir une addiction à la violence. C'est-à-dire que plus on ment, plus c'est facile de mentir, plus la part de culpabilité qui est en nous, quand on ment, disparaît. Mais est-ce que c'est une addiction, au sens fort du terme, ou est-ce que c'est simplement qu'un premier mensonge, s'il a des conséquences, on oblige d'autres, c'est-à-dire il y a l'affaire Roman, qui est une célèbre affaire de ce faux médecin qui, lorsque le fait qu'il était faux médecin a fini par être découvert par sa famille, a décidé de l'assassiner. Il se trouve que je travaillais au CERN à l'époque et je suis passé devant sa maison brûlante le matin suivant le meurtre, et donc c'est une affaire dont on a beaucoup entendu parler. Ça veut dire qu'il y a une sorte de réaction en chaîne, un premier mensonge, s'il n'est pas corrigé, oblige à une vie de mensonge finalement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une spirale du mensonge, parce que plus on ment, plus on est obligé d'assurer ses arrières, et plus on va augmenter le mensonge. L'affaire Roman, effectivement, il est il fait croire à ses parents qu'il suit des études de médecine, il échoue, et il va faire croire à chaque fois qu'il va aux examens, qu'il réussit, au point où il va devoir en permanence lui-même potasser des sujets pour avoir l'air, pour briller en société, et même il arrivera même à bluffer des médecins, des scientifiques. Parce que, en fait. Il disait qu'il travaillait à l'OMS. Oui. Installé à Genève, il passait ses journées sur des parkings à potasser des revues de médecine, donc il était savant, en fait. Oui, il devient savant. En fait, il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que le mythomane, en fait, il est pris dans le. Il veut pas simplement qu'on le croit. Il veut qu'on croit à son histoire, au personnage qu'il s'est construit. Et en fait, ce personnage qui s'est construit, c'est une sorte de faux self. Il n'existe pas en dehors de ça. Donc en fait, il faut qu'il maintienne l'attention. Et ce que disent les psys, c'est qu'à un moment donné, le fait d'être découvert n'est pas forcément un échec. C'est un échec, mais aussi il y a le plaisir malsain de faire vivre aux autres cette expérience de la trahison de la confiance. Ça veut dire que, d'une certaine façon, l'entourage est complice? Oui. En tout cas, il a besoin d'un certain type d'entourage pour que le mensonge fonctionne. Ah oui, de toute manière, le mensonge, il s'appuie toujours sur la complicité des autres. Il y a toujours un tiers pour valider un mensonge à un moment donné. Il y a toujours, comme un monsieur loyal qui va renforcer quelque chose, un tel qui a vu telle chose et qui va d'un seul coup valider ce mensonge, qui va en entraîner d'autres. Et on a vu, par exemple, j'étais fascinée par cette histoire de cette jeune femme qui s'appelle Tania Head. En fait, elle s'appelle Alicia Esteve Heads. Et elle va faire croire que son fiancé est décédé dans les flammes des tours du 11 septembre. Elle dit que elle s'est sortie d'affaires. Elle travaillait au 93e étage pour une banque. Et d'un seul coup, elle dit qu'elle a été sauvée par un secouriste qui la sauve, et il meurt, et au moment de mourir, il lui donne une bague. Elle va raconter cette histoire qui va être crue comme ça pendant près de 4 ans. Et donc, c'est vraiment, à un moment donné, elle s'emporte elle est emportée par son mensonge, et elle va arriver à convaincre les gens parce que, en fait, on a tous besoin de croire. À un moment donné, on est dans des mondes où en fait on communique très peu, on est dans une société où on voit des gens dans la rue en train de mourir ou en train de végéter, enfin c'est très dur et on oublie ça. Et d'un seul coup, on arrive finalement à être dans une sorte de compassion avec des gens comme ça, parce qu'ils nous racontent une histoire extraordinaire. On est plus dans la compassion avec ces gens-là que dans la réalité. Donc. Est-ce que les... Catherine Monroy, est-ce que les détecteurs de mensonges, ça marche ? Alors, les détecteurs de mensonges, ça va détecter le stress. Mais ça va pas forcément détecter si on ment ou pas. Il y a une fameuse histoire comme ça d'un saint monsieur qui est en Belgique, je crois, où en fait, on lui dit, il y a eu un meurtre dans cet immeuble, il était là, et donc il va nier qu'il est dans cet immeuble pendant un certain temps. Au détecteur de mensonges, il était bien là parce qu'il voyait sa maîtresse. Donc en fait, on peut mentir pour une raison qui n'est pas la bonne, c'est-à-dire que le détecteur de mensonges va détecter qu'on a eu un moment de stress et d'émotion, mais il va pas pouvoir dire si on dit la vérité ou pas. Et puis d'ailleurs, il y a eu des agents secrets qui réussissaient à modifier leur su, parce qu'on calcule aussi la sudation des gens, parce que c'est quand même un facteur qui mesure un peu les montées émotionnelles. Il s'était mis un clou dans sa chaussure pour avoir les bonnes réactions au moment où on l'interrogeait. Donc on peut s'entraîner finalement à échapper à la détection. D'ailleurs, si je peux livrer une anecdote personnelle, un jour j'ai vu une personnalité politique, je ne vais pas donner son nom, qui a lu un discours truffé de mensonges devant une salle composée de personnes qui savaient que c'était des mensonges. Et il n'y avait aucun symptôme physique dans l'attitude qui permettait de montrer qu'il y avait le moindre embarras chez cette personne qui lisait le discours. Est-ce que tout le monde peut faire ça ou au prix d'un entraînement adapté, ou est-ce que il faut avoir une certaine Il faut avoir de bons conseillers en communication. Je pense à l'affaire Cahuzac, où on a Jérôme Cahuzac qui ment de manière indéniable devant les caméras. Mais pour ceux qui savent observer sa gestuelle, ils vont se rendre compte que au niveau de ses yeux, le regard est fixe alors qu'il devrait cligner des yeux à un moment donné. Donc on peut apprendre à mentir. Et effectivement, la gestuelle, ça se travaille. On voit les hommes politiques, ils travaillent leur D'ailleurs, gestuelle. Vous le citez, qu'une fois qu'il est démasqué... il répond, on me dit que j'ai menti sur ma situation personnelle, cela veut dire quoi? Qu'il y aurait des mensonges indignes et d'autres qui seraient dignes? Quand on ment sur ordre et pour des raisons politiques à l'Assemblée, est-ce digne? À ce compte-là, j'ai menti devant l'Assemblée sur la possibilité de réaliser 3% de déficit en 2013. Oui, tout à fait. Et puis vous ajoutez perdu pour perdu, eh bien il dit à ses conseillers, c'est moins grave de mentir pendant 15 secondes devant 577 députés que de mentir depuis un an sur l'état de la France, comme le fait François Hollande. Oui, c'est extraordinaire. Donc ça veut dire que, comme tout le monde ment, on peut toujours affirmer que le mensonge qu'on a dit est moins grave que celui des autres. Mais disons qu'il y a... Il y a une sorte de relativité du mensonge. Non, je pense qu'il y a une déculpabilisation par rapport au mensonge, parce que, en fait, le mensonge, c'est une part de notre humanité aussi, c'est une part de notre liberté. Et il y a aussi une pression de la société qui est énorme sur certaines personnes, par exemple, dans un entretien d'embauche. On vous demande d'être un couteau suisse, d'être jeune et d'avoir de l'expérience, de parler un certain nombre de langues. Donc, il y a des gens qui vont se dire, si je dis que je parle anglais, allemand, etc., ça peut passer, puis de toute manière, je peux apprendre après. Et puis après, il y a aussi le fait de l'employeur qui va peut-être embaucher une personne qui lui aura menti, s'il cherche à recruter un commercial en se disant, il sera peut-être excellent pour convaincre les gens à qui j'aurais besoin de dire des vérités alternatives. Donc un peu d'imposture peut mener à la promotion. Exactement, oui. Et d'ailleurs, l'imposteur a pour anagramme, il est promu. Ah, c'est extraordinaire. Est-ce qu'un menteur qui avoue son mensonge est toujours un menteur? Disons que, en principe, il ne devrait pas l'être, mais on a vu, par exemple, avec Christophe Rancancourt, l'histoire avec Catherine Braya est excellente, parce qu'en fait, il va faire croire qu'il est plus escroc qu'il n'est, c'est-à-dire il va raconter qu'il a réussi à voler 45 millions de dollars. Et en fait, elle veut l'engager pour jouer un escroc. Donc, en fait, elle trouve qu'effectivement, il est excellent pour le rôle parce que il a toutes les qualités de l'acteur studio. C'est-à-dire, il l'a vécu et il va très bien l'incarner. Sauf qu'en fait, petit à petit, elle va se rendre compte que c'est plutôt un escroc qui profite des gens qui s'attachent à lui. Et donc, non, on ne peut pas croire. Je pense quelqu'un qui avoue qu'il a menti, c'est difficile. Moi, je vous ai posé la question, Catherine Monroy, à cause de ce fameux paradoxe du menteur qui a été énoncé, je crois, pour la première fois par un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Eubulide, qui a par ailleurs écrit une pièce de comédie intitulée « Les fêtards », ce qui laisse penser que c'était un joyeux de riz. Et lui, il avait repéré ce paradoxe qui est que si on demande à un menteur qui est en train de mentir s'il ment, bah, si le menteur répond « oui, je mens », alors de toute évidence, il ne ment pas. Car si un menteur affirme qu'il ment, c'est qu'il dit la vérité. Et si au contraire, il répond non, je ne mens pas, alors c'est qu'il ment, puisqu'il est précisément en train de mentir. Ah. Donc, ça rejoint d'ailleurs un de vos chapitres dans ce livre, L'art du mensonge. Vous posez la question de savoir si le mensonge a un sexe. Oui. Et il y a des enquêtes, alors je ne sais pas trop comment on les a faites, qui semblent montrer, en tout cas c'est ce que vous dites, que les femmes avouent davantage le fait qu'elles mentent. Oui, alors. Mais quand on avoue qu'on ment, c'est qu'on dit la vérité, justement. Ouais, c'est pas clair. Et donc, c'est la preuve qu'elles sont moins menteuses. Oui, je pense. Par le fait qu'elles avouent plus. Oui, alors, il y a une citation de Mark Twain qu'on peut donner aussi, c'est qu'il dit, il y a les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Donc, c'est vrai qu'effectivement, à partir du moment où on avoue un mensonge, il y a des chances qu'on soit un peu moins menteur que celui qui ne l'avoue pas. La chose qui paraît pertinente au niveau du sexe du mensonge, c'est qu'en fait, les hommes et les femmes ne mentiraient pas pour la même chose. Je mets au conditionnel. Le mensonge est genré? Oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, c'est aussi un peu cliché, hein. C'est de dire que les femmes qui ont la responsabilité en général du foyer, des enfants, de donner de l'élan, feraient en sorte de, elles ne mentiraient finalement que pour ne pas blesser, pour encourager. Et de l'autre côté, l'homme serait plus sensible, comment dire, serait plutôt son orgueil qui serait, il mentirait sur son salaire, sa voiture, enfin, tout ce qui le valorise. Alors, et la London School of Business, je crois, a fait une enquête qui laissait entendre que les hommes mentiraient pour séduire les femmes, parce qu'évidemment, ils ont besoin de perpétuer l'espèce, et donc le mensonge serait alors justifié. Par le darwinisme. Exactement. Est-ce qu'il y a toujours une souffrance derrière la mythomanie ou est-ce que ça peut être simplement un jeu? Je pense que c'est rarement un jeu, simplement. C'est une souffrance qui vient en général d'avance. C'est-à-dire, on dit que les mythomanes ont souvent une vérité indicible, une souffrance qui n'a pas pu être verbalisée. Donc après, c'est quelque chose qui va se déclencher en fait de ne pas vouloir être jugé. Et en fait, c'est pour échapper au jugement des autres qu'il invente des fictions. Parce qu'effectivement, sa vie lui paraît trop vide, trop creuse, socialement accablante. Et donc, il va s'inventer un personnage. Et en fait, il ne veut pas qu'on croie en ce qu'il est, il veut qu'on croie en ce personnage. Ça veut dire que le mensonge pourrait être paradoxalement utilisé pour faire éclater la vérité. C'est-à-dire, on ment jusqu'au moment où ça explose. Et la vérité apparaît. Vous parlez assez longuement, et pour cause dans votre livre, de l'affaire Outreau. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces enfants ont-ils menti? Comment est-ce qu'un juge a pu dire, par exemple, les enfants ne mentent pas? Oui. Et cette affaire a quand même créé un désastre humain chez de nombreuses personnes. Oui, tout à fait. Alors, les enfants ne mentent pas. En fait, les enfants, au départ, il y avait une vérité. C'est quand même des enfants qui ont réellement été abusés. Ils n'ont pas été abusés par toutes les personnes qu'ils ont dénoncées, mais ils n'ont pas été entendus. Il y avait vraiment des manifestations terribles à l'école, des signalements qui n'ont pas été entendus. Et à un moment donné, ces enfants, ils ont inventé une réalité qui permettait d'être audible. Et cette réalité qui permettait d'être audible, c'était qu'on entendait l'affaire du trou. Il y avait énormément d'histoires comme ça, quand on parle de pédophilie, d'un seul coup. On est pris en compte et ils ont inventé une réalité qui permettait d'être entendu. Alors après, effectivement, il y a des dégâts, c'est abominable. Mais c'est d'abord des enfants qui n'ont pas été entendus. Et est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus par la suite? Comment est-ce qu'ils ont... J'avoue que je ne le sais pas personnellement, mais je pense qu'ils ont dû avoir une souffrance assez importante. Catherine Monroy, vous savez que dans cette émission, on écoute de la musique. Ah oui? Alors vous avez choisi un morceau de YouTube qui s'appelle... Alors j'ai oublié. Sleep like a baby tonight. Nous allons l'écouter. Ensuite, vous commenterez ce choix. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Catherine Monroy, nous sommes ensemble pour parler de votre livre « L'art du mensonge ». Et vous avez choisi cette chanson de YouTube qui s'appelle « Sleep like a baby tonight » qui a à voir avec notre propos précédent. Oui, tout à fait, parce que c'est une chanson de YouTube qui dénonce la pédophilie dans l'église catholique. Et je trouve aussi que la fiction ou que la poésie a un pouvoir évocateur très fort. Quand on dit le jour se lève comme un suicide, les yeux sont rouges comme Noël. Enfin, y a quelque chose de tellement poétique et de tellement évocateur. Dans tes rêves, tout va bien. Dans tes rêves, tout va bien. Tu vas dormir comme un petit bébé. Et il y a vraiment cette puissance de la fiction qui dit parfois plus la vérité que la vérité ne l'a dit. Il la rend audible. C'est un peu comme avec ce film Philadelphia qui a parlé du drame du sida aux États-Unis. Parce que oui, il y a une prise de conscience qu'on n'a pas forcément avec l'information. Alors, on va changer de sujet, mais quand même parler à nouveau du mensonge. Il y a quelque temps, il y a des gens qui disaient, si on voulait que la vaccination marche bien en France, il suffirait de dire qu'elle est réservée aux énarques, aux polytechniciens, à l'élite, et tout le monde voudrait se faire vacciner. Or, j'ai découvert en lisant votre livre que le succès de la pomme de terre est lié à un mensonge de cet ordre. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une famine assez importante. Et puis donc, il y a Parmentier, qui est un agronome, qui est en prison après la guerre de 7 ans, et qui va d'un seul coup se rendre compte que il y a un nutriment, la pomme de terre, qui permettrait de résoudre pas mal de questions en France. Mais elle a mauvaise réputation. Elle a mauvaise réputation parce que c'est une racine, donc c'est dans la terre, c'est quelque chose d'un petit peu, qui n'inspire pas confiance. Alors le roi et la reine vont faire un grand show en portant des fleurs de pommes de terre. Le roi, c'est Louis XVI. Oui, c'est Louis XVI, tout à fait, avec Marie-Antoinette. Et puis, ça va pas être très convaincant, parce que toujours, les Français ne changent pas de régime comme ça. Et on va avoir une idée géniale, ça va être de faire garder un champ de pommes de terre, le jour, la nuit, et puis à un moment donné, moins la nuit, et puis donc d'attendre que les Français aillent voler ces pommes de terre. On fait garder par des soldats, finalement. Voilà. tout à fait. Et ça a marché. Ça a marché. Bah, en France, excusez-moi, mais avec le vaccin, quand on s'est rendu compte qu'on en avait peut-être pas assez, d'un seul coup, on s'est dit, ah, les gens se sont mis à se faire vacciner, à avoir à nouveau confiance en ce qu'on leur disait. Est-ce qu'il est possible de mentir vrai? C'est une contradiction dans les termes, mais est-ce qu'elle a un sens empirique? Oui, alors c'est la personne qui en a parlé, c'était effectivement Aragon, qui a parlé du mentir vrai en 64, qui était un affabulateur de première, un mythomane, mais effectivement, pour arriver à reconstituer la vérité, parfois on est obligé d'user de la fiction, et d'arriver à faire passer on voit bien comment, parce que on reçoit tellement d'images de par exemple pour la violence, il y a tellement d'images que quand on voit les migrants qui arrivent par bateau, en fait finalement on est plus ému, on les regarde et puis voilà, puis il y a un petit garçon qui d'un seul coup est sur une plage et d'un seul coup ça devient quelque chose de touchant, et tant qu'on n'a pas touché le cœur des gens, on n'a pas d'émotion et il se passe rien. On a bien vu qu'effectivement ça a été le moment déclencheur qui a fait qu'on a commencé à penser aux migrants de manière tout à fait différente. Et on va dire, cette image, elle ne dit pas tout, mais je pense, ça m'évoque aussi Robert Capa en 1936, pendant la guerre d'Espagne, qui va faire une photomontage, mais cette photomontage, elle va rester la photo de la guerre. Celle d'un combattant touché en plein cœur qui semble s'effondrer. Tout à fait. Et en fait, non. Non. Enfin, il y a une discussion. Oui, de moins en moins. Hein. C'est a priori, elle a été prise à plusieurs centaines de kilomètres de l'endroit où elle devait avoir été prise. Et donc, je pense que c'est assez clair. Les négatifs ont été volés. Donc, Mais elle est devenue le symbole de la résistance au franquisme. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est une image montée. Mais de toute manière, quand en journalisme, il n'est pas rare qu'on mette des faits qui se passent dans trois rues différentes en les racontant dans une seule rue. C'est-à-dire qu'on n'a pas la place de dire la vérité tout entière. C'est ce que disait Lacan. Il disait, si vous deviez raconter toute votre journée à quelqu'un, il faudrait une journée. Et vous raconteriez pas la même histoire si vous parliez à votre avocat, votre médecin, votre femme. Donc il y a dans la fiction, une manière de concentrer la vérité aussi de temps en temps. Mais dans le cas d'Aragon, qu'est-ce qui l'a poussé à pratiquer cette autofiction permanente? D'autres l'ont fait. Malraux, par exemple, ou Sandras ont produit des biographies qui étaient, disons, parfois fausses. Oui. Mais chez Aragon, c'est encore plus fort. Ah oui, chez Aragon. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'on peut comprendre? Il y a une raison très claire. C'est que Aragon, en fait, sa mère a eu Aragon avec un député. Donc c'est une histoire qui était complètement cachée. On a fait croire à Aragon qu'il avait été adopté suite à un accident qu'aurait eu un couple d'Espagnols. Et donc, en réalité, sa mère était sa mère, on lui a fait croire qu'elle était sa sœur, sa grand-mère et son grand-père, ses parents. Donc, en fait, il a vécu dans un mensonge. Il a vécu imbibé dans ce mensonge. Et en fait, la seule manière qu'il a de sortir de tous ces mensonges, c'est d'inventer sa vie. C'est d'être en permanence dans la fabulation. C'est une sorte de forme de résilience pour lui d'arriver à échapper au mensonge dans lequel on l'a enfermé. Mais c'est bien qu'il y a une sorte de faute originelle qui fait que le mensonge se transmet presque de génération en génération. Oui, mais de toute manière, à chaque fois, il y a à la base chez les gens qui mentent, il y a un mensonge originel. Quand l'affaire Roman, en fait, on n'arrêtait pas de lui mentir dans sa famille, tout était en non-dit. Donc c'est vraiment le mensonge qui engendre le mensonge. Et comme vous l'avez dit, enfin Lacan l'a dit, on peut pas dire toute la vérité. C'est-à-dire qu'on ment partout, au moins par omission. On ment par omission. C'est-à-dire oui, que le mensonge, il est structurellement inscrit dans nos façons de parler aux autres en toutes circonstances, plus ou moins. Mais en tout cas, c'est difficile d'y échapper. Oui, c'est un point de vue. Il y a une part de la vérité qui n'est qu'un point de vue. C'est pas la vérité. Elle a une part de relativité parce qu'effectivement, la vérité existe par rapport. Il y a des faits. Mais le récit, il est fait en fonction de qui on est et de à qui on parle, en permanence. Alors imaginons, Catherine Monroy, que vous soyez médecin. Oui. Un de vos patients, de vos malades, a une maladie telle que vous pouvez lui dire, en tout cas vous savez qu'il est condamné à court terme, est-ce que vous lui dites ou pas? C'est une vraie question, et parce qu'en fait, la vérité, normalement, elle est obligatoire du fait de la loi depuis 2004. Le patient doit être informé de sa situation, si jamais il doit mourir. En réalité, c'est une question à laquelle il est très très difficile de répondre. C'est-à-dire que, en fait, une petite parenthèse pour expliquer pourquoi on doit cette vérité aux patients. En fait, jusque dans les années 80, on pensait qu'il ne fallait pas forcément dire la vérité aux patients parce qu'on pouvait effectivement provoquer des réactions émotionnelles très fortes. Les gens pouvaient tout simplement se suicider. Et puis, est-ce qu'on est vraiment sûr que cette personne va mourir ? La plupart du temps, on le sait vraiment. À partir des années 80 et du sida, en fait, s'oppose un autre problème. C'est-à-dire que la personne qui est contaminée peut contaminer d'autres personnes. Donc, on doit le lui dire. Et donc, la loi, elle a changé. Il y a aussi un aspect de la loi qui fait qu'on doit dire la vérité aux patients. C'est que peut-être on va être obligé il y a aussi la question de la greffe d'organes. Donc, on est obligé de dire aux gens la vérité. Il y a une obligation de dire la vérité dans la loi. Après, souvent, il y a des médecins qui se déchargent de cette vérité, qui est un poids énorme. Vous imaginez Oui. J'imagine très bien. C'est très très lourd. Et après c'est la question de comment on dit cette vérité. Est-ce qu'on en débarrasse en la jetant à quelqu'un ou est-ce qu'on va arriver à le lui dire au bon moment, au moment où elle est capable de l'entendre. Et la réponse que j'ai vue qui m'a paru la plus adéquate, c'est celle d'un jeune interne qui sort de la chambre d'une patiente. Et la patiente lui dit « Docteur, docteur, dites-moi que je vais mourir ». Et le jeune interne est bouleversé parce qu'effectivement cette femme va mourir, doit-il lui dire ou pas? Et il a cette réponse que j'ai trouvée très juste, il lui dit « Pourquoi me demandez-vous si vous allez mourir ?» Elle dit « Parce que j'ai peur de mourir ». Et dans ce cas-là, il ne lui a pas dit. Et en fait, la question, c'est est-ce que la personne est capable de recevoir ce qu'on va lui dire ou pas? Et je pense que c'est une question qui est très importante. Maintenant, dans les facs de médecine, on essaye de préparer justement les médecins à pouvoir annoncer de mauvaises nouvelles. Il y a des jeux de rôle qui sont mis en place ce sont parfois des comédiens. Et sinon, ce sont aussi les professeurs qui s'y collent. C'est-à-dire d'arriver à anticiper des situations émotionnelles qui sont bouleversantes de toutes parts. Mais comment est-ce qu'on peut savoir à l'avance ce qu'une personne est capable d'entendre? C'est très très difficile, c'est une question vraiment piège. On ne peut pas le savoir, on doit sentir à la fois il y a le côté du médecin qui en fait si jamais il met toute son émotion vers un patient, il aura peut-être pas la capacité d'aller vers d'autres et de s'occuper d'autres, donc il perdrait toute la force dont il a besoin pour gérer les autres patients et puis effectivement d'arriver à comprendre quand est le bon moment. Il y a des études qui disent que en fait certains patients préfèrent qu'on dise d'abord la vérité à leur entourage avant de la savoir eux-mêmes. Et c'est assez rare finalement que les gens disent qu'ils veulent absolument avoir la vérité. C'est pas si simple. Alors ça nous amène à Kant et à sa fameuse morale, parce que pour Kant, le mensonge est une abomination. Il dit que c'est la flétrissure qui souille la nature humaine. Oui. Et donc, si vous hébergez un ami qui est recherché par des assassins, eh ben vous devez dire à ces assassins que votre ami est bien chez vous. Oui. Bon, c'est intenable, évidemment. C'est intenable aussi pour nous qui... C'est-à-dire qu'on doit dire la vérité qu'à ceux qui ont le droit de la savoir. Oui. Benjamin Constant, lui, s'oppose à ce présupposé en disant qu'on ne doit la vérité qu'à ceux qui n'auront pas nuire à autrui. Donc, faut voir aussi que c'est deux personnalités complètement différentes. Il y en a un qui vit en ermite à Königsbourg et l'autre qui est non seulement un auteur, mais un homme politique. Donc, il a une notion d'une vérité qui serait plus relative. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en religion, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que le mensonge est proscrit dans toutes les religions, mais en fait souvent le mensonge est autorisé à partir du moment, le mensonge est interdit, mais dans le sens où il ne doit pas nuire à autrui. C'est le 8e commandement dans la Bible. Ça nous amène donc à ce qu'on appelle le mensonge blanc. C'est quoi? C'est un pieux mensonge, en fait, non? Oui, c'est un pieux mensonge. C'est un mensonge qui est anodin, qui ne fait pas de mal. Qu'on pense du moins, mais ça peut ne pas être vrai. Oui, ça peut ne pas être vrai. En tout cas, dans le mensonge, il y a quand même une part d'intentionnalité. C'est un peu une ligne de crête. Est-ce qu'on veut faire du bien ou est-ce qu'on veut faire du mal? Et on peut faire du mal en voulant faire du bien, etc. Vous posez la question d'une façon que j'ai trouvé très drôle. Vous dites, faut-il vraiment annoncer à votre arrière-grand-mère qui fut amoureuse d'un pilote de la RAF que le Brexit est en marche? Oui, c'est exactement ça. Le film qui pose vraiment la question, c'est vraiment Goodbye Lénine, où on voit cette femme qui était une militante de l'Allemagne de l'Est et qui se retrouve, qui fait un AVC entre le moment où tombe le mur et qui se réveille quand le mur est tombé, tout a changé. Et son fils est terrorisé à l'idée qu'elle découvre que le monde auquel elle croyait n'existe plus. Et donc il va tout mettre en scène pour faire croire à cette réalité. Donc ça c'est un mais le mensonge blanc c'est Ben Cartman qui est un psychiatre en 49 qui le définit en disant que le mensonge en fait à partir du moment où il ne nuit à personne ce n'est pas si grave et surtout que le mensonge est une défense universelle contre un sentiment d'infériorité qu'il soit réel ou imaginaire. Et souvent pour ça qu'on ment d'ailleurs, c'est dans les gens qui mentent sont dans une situation où ils veulent pas admettre une faiblesse. C'est souvent. Mais si je mens par exemple pour dire que le cadeau qu'on m'a fait est merveilleux alors que je trouve ignoble, oui. Je me défends contre rien. C'est une forme de politesse. Oui, c'est une forme de politesse, c'est pour ne pas blesser en fait. C'est oui, effectivement, dans ce cas-là, c'est pour ne pas blesser, pour éviter de blesser l'orgueil. Et c'est dans les civilisations japonaises par exemple, ne pas perdre la face, c'est quelque chose de très important. Donc on peut estimer aussi que respecter l'honneur de quelqu'un est une motivation. Est-ce qu'il y a des différences culturelles entre les pays, entre les civilisations, même sur le statut du mensonge, est-ce qu'il y a des endroits où il est plus condamné qu'ailleurs ? Oui, évidemment. On a vu aux États-Unis, c'était très choquant parce qu'effectivement, la vérité a eu vraiment un rôle de vertu cardinale. Donc là, c'est extrêmement choquant. Mais par exemple, en Iran, le fait de ne pas faire perdre la face à quelqu'un était beaucoup plus important. Il y a cet anthropologue qui dit justement, à un moment donné, on lui demande « c'est bien la route d'Ispahan ?» On lui dit « oui, c'est bien la route d'Ispahan, mais si vous prenez par là, c'est mieux. » C'est-à-dire pour ne pas le choquer, pour ne pas le... Bon, effectivement, il y a des codes selon les pays qui fait qu'on va plus ou moins accepter de s'arranger avec la réalité. On peut aussi mentir en vendant du doute. Par exemple, il y a ce fameux livre écrit par deux historiens américains des sciences qui sont Naomi Oreskes et Eric Conway, qui s'appelle Les marchands de doute, oui. Où ils montrent comment l'industrie du tabac a propagé l'idée que la science est le doute pour faire que les conclusions que la science imposait, à savoir que le tabac donnant le cancer du poumon notamment, il fallait prendre des mesures pour limiter la consommation. Et eux disaient, mais non, la science est du doute, donc on va financer des recherches complémentaires pour vérifier s'il n'y a pas des causes cachées qui n'auraient pas été vues par les chercheurs. Et donc on vend du doute tout en propageant une sorte de mensonge. Oui, c'est-à-dire on retarde le moment où le mensonge est... On retarde plutôt le moment où la vérité éclate. Tout à fait. En fait, les marchands de tabac, c'est quand même des champions du mensonge. Hein. Ils ont commencé avec effectivement à faire croire que le fumer c'était bon pour la gorge. Oui, il y a des publicités. Oui, des publicités, c'est bon pour la gorge. Pour prévenir le mal de gorge. Oui, ça vous détend. Alors, ils n'ont pas été attaqués par l'ordre des médecins de l'époque. Ils ont été attaqués par le lobby de la confiserie. Donc, c'était assez. Oui, parce qu'ils disaient que c'est plus efficace qu'un bonbon. Exactement. Et puis après, effectivement, quand il s'est avéré que fumer donnait le cancer, ça a été prouvé, il y a eu des enquêtes, c'était indéniable. En fait, effectivement, les marchands de tabac se sont dit qu'ils n'allaient pas aller contre la science, mais qu'ils allaient la détourner. Et ils ont financé des études, effectivement, pour montrer qu'il y avait plus de cancers en ville, donc peut-être que ce n'était pas le tabac. Et puis pour aussi montrer comment le tabac pouvait aider à avoir une meilleure mémoire. Donc en fait, il y a un biais à chaque fois cognitif qui permet d'échapper à la révélation de la vérité, effectivement, qui est indéniable et en fait de détourner. C'est ce que font les menteurs d'ailleurs. C'est en fait ils font un écran de fumée en général. Alors vous citez dans votre livre Catherine Monroy ce fameux livre de Bernard Williams qui s'appelle Vérité et véracité, dans lequel il explique que dans nos sociétés disons postmodernes, il y a deux courants de pensées contradictoires l'un avec l'autre, qui devraient se combattre et même s'annuler mutuellement, mais qui par un effet pervers se renforcent mutuellement. Le premier courant de pensée, dit-il, c'est le désir de véracité. Mmh. Nous sommes éduqués, nous sommes informés, nous sommes formés, et donc nous ne voulons pas être dupes des discours officiels lorsqu'ils disent des choses qui peut-être sont dites parce qu'elles ont intérêt pour eux à être dites plutôt qu'elles n'honorent la vérité. Mais il montre que ce désir de véracité qui est parfaitement sain, c'est le souci de ne pas être dupe, installe dans la société un esprit critique généralisé qui vient défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Tout à fait, il y a vraiment c'est comme si il y avait une porte à tambour qui était poussée par deux personnes en même temps. C'est-à-dire effectivement le désir de véracité, il va entretenir les complotistes finalement, puisque en fait on veut une vérité, on estime qu'elle est cachée et en fait on insiste sur le doute, on insiste sur la suspicion. Et alors qu'on est obligé quand même c'est un système qui est effectivement très pernicieux parce qu'en fait tout le monde peut émettre des vérités. Donc plus il y a des gens qui peuvent émettre des vérités, plus il y a des vérités à contredire. Et puis plus il est plus difficile de prouver la vérité que de défaire un mensonge. On dit le mensonge va à la vitesse de l'avion et la vérité va à pied. Alors. On va revenir sur le cas américain parce que vous avez rappelé tout à l'heure que aux États-Unis le mensonge c'est pas bien du tout. Monsieur Clinton l'a payé cher. Oui, alors que Monsieur Trump il a pu dire à peu près n'importe quoi sans payer vraiment le prix en termes politiques. Il a presque été réélu. Et donc comment est-ce que le même système américain peut à la fois condamner le mensonge et à ce point être complaisant avec le bullshitisme? Mais disons que ça ne date pas d'hier, c'est-à-dire que vraiment le moment clé de cette fracture à laquelle on assiste maintenant, c'était vraiment 2003 avec la guerre en Irak et le mensonge d'État, c'est-à-dire que quand l'État ment, d'un seul coup, la vérité est complètement détrônée. Et justement, il y avait un journaliste qui s'appelle Ron Suskin qui raconte. Ah oui, c'est incroyable cette histoire. Ouais, qui raconte que le éditorialiste à Wall Street Journal. Ouais. Qui vous racontait qu'il y a eu une conversation en 2004 oui. avec un conseiller du président Bush, George W. Bush, oui. Quelques jours avant l'élection de 2004. Et voilà ce que dit le conseiller, voilà ce que raconte le journaliste. Oui. Le conseiller m'a dit que les gens comme moi faisaient partie de ces types appartenant à ce que nous appelons la communauté fondée sur la réalité. Oui. Vous croyez que les solutions émergent de votre judicieuse analyse de la réalité observable. Donc le journaliste acquiesce, murmure quelque chose sur les principes des Lumières et l'empirisme, et le conseiller le coupe pour lui dire « Ce n'est plus de cette manière que le monde marche réellement, nous sommes un empire maintenant », poursuivit-il, « et lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous étudiez cette réalité, judicieusement, comme vous le souhaitez, nous agissons à nouveau et nous créons d'autres réalités nouvelles que vous pouvez étudier également. Et c'est ainsi que les choses se passent. Nous sommes les acteurs de l'histoire et vous tous, il ne vous reste plus qu'à étudier ce que nous faisons. » On a l'impression qu'il annonce Trump. Oui, tout à fait, il annonce Trump. Il y a effectivement ce glissement vers la fiction. Et comme tous les menteurs, Trump s'immisce dans la faille de gens qui ont l'impression de ne pas être entendus. Et il y a certainement une réalité dans le fait qu'une partie de la population américaine n'était plus entendue par les politiques. Et par cette fiction, il leur donne l'impression d'être compris. En fait, c'est le menteur, il rentre toujours dans la faille et dans la fragilité émotionnelle des gens. Et c'est effectivement ce que Trump a réussi à faire avec succès, puisque même si lui n'est plus au pouvoir, il reste certainement une part de ses effidés qui vont continuer à le suivre. C'est-à-dire qu'on peut juger de l'efficacité d'un message, non pas au fait qu'il honore la vérité, mais au fait qu'il va convaincre telle ou telle partie de l'électorat. Oui, il y a un côté effectivement très très émotionnel dans l'affaire de convaincre. On voit par exemple Marine Le Pen quand elle est face à Emmanuel Macron pour la présidentielle et qu'elle lui dit « J'espère que vous n'avez pas de compte aux Bahamas ». Elle sait très bien qu'il n'a pas de compte aux Bahamas. C'est pas une suspicion. C'est un mensonge qui est dit oralement pour laisser soupçonner qu'il peut avoir un compte aux Bahamas. Donc il y a toute une le rapport à la vérité finalement on s'en contrefiche. On crée une fiction, on crée la fiction d'un Emmanuel Macron qui. Mais tout ça est travaillé en amont ou ça sort comme ça? Ah oui, tout à fait. Ça a été prouvé effectivement que ils savaient très bien, ils avaient mesuré les dommages collatéraux qu'il pourrait y avoir à dire un mensonge. Et qui était inférieur au gain. Vous citez Finkelstein, qu'on aime beaucoup dans cette émission. Cette phrase « Le mensonge est un jeu de langage qui doit être appris comme un autre ». Comment est-ce que vous comprenez cette phrase ? Je la comprends comme le fait que, en fait, de plus en plus, on va devoir apprendre à décrypter le mensonge. C'est-à-dire que, en fait, on a un tel afflux d'informations que si on n'apprend pas à décrypter assez rapidement le mensonge, on ne sait plus où sont les sources. En fait, la difficulté, c'est effectivement d'avoir confiance en certaines sources. Et d'apprendre, de voir, on sait très bien que quand quelqu'un commence à nous parler en nous disant sincèrement, on peut douter, mais il y a comme ça des manières d'arriver à décrypter le langage. Je pense que il faut le décrypter, et puis apprendre à aller toujours vérifier les sources, parce qu'en fait, la vérification des sources est une chose fondamentale. Mais chronophage. Oui, chronophage, et même pour les journalistes, c'est devenu pratiquement leur job premier maintenant. Enfin, on a vu justement le fact-checking prendre un essor important, et heureusement, il y a des contre-pouvoirs comme le Consortium international des journalistes d'investigation qui va fouiller. Parce qu'en fait, il faut avoir les moyens. La question de la presse, c'est une question aussi de moyens. C'est-à-dire que on a diminué le nombre de journalistes dans les rédactions, donc il faut avoir le temps, l'argent, d'aller vérifier les informations. Et puis, on est dans un monde où on consacre de moins en moins d'argent à la recherche de l'information, quand même. Quand on va faire un reportage et qu'on a besoin d'avoir un synopsis pour faire un reportage, ça signifie quelque chose, ça signifie que finalement, on doit trouver ce qu'on cherche. Donc, ça pose quand même des questions importantes. Mais est-ce que la vérité a du mal aujourd'hui par le fait qu'elle ne fait plus toujours plaisir, notamment les vérités scientifiques? Quand on interroge des scientifiques sur l'avenir de la biodiversité, du climat, de la pollution, ils disent des choses qui sont pas très agréables à entendre, et du coup on est capable de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Oui, il y a des lobbies derrière tout ça, des lobbies. Oui, mais qui utilisent notre capacité ou notre désir de notre cerveau à ne pas vivre dans un certain confort psychique. Oui, enfin là, je pense que c'est finalement sur le climat, il y a une acceptation globale quand même, mais pas sur toute la planète. Pas sur toute la planète. Non, mais disons que effectivement, je pense qu'il y a des intérêts. Souvent, ceux qui sont en contradiction avec les vérités scientifiques ont d'autres intérêts qui sont cachés. Et à chaque fois, ils ont l'air d'être le pourfendeur du mensonge, justement. Par exemple, il y a cette affaire avec ce médecin, Andrew Wakefield, britannique, qui à un moment donné va faire une étude qui montre qu'il y aurait peut-être un rapport entre la vaccination au ROR, qui est le vaccin rougeole, oreillon et rubéole, et le déclenchement de l'autisme. Donc il va arriver à créer un doute. Parce qu'en fait, le doute, c'est qu'on doute de la vaccination, globalement. Et donc, il rentre dans une faille qui était déjà là. Et ils vont mettre beaucoup de temps après à montrer que ce qu'il avait dit était non seulement faux, et que derrière ça, il avait d'autres intérêts, parce qu'il paraissait être le gentil médecin contre les lobbies anti-vaccins, les lobbies pharmaceutiques. Et on va se rendre compte qu'il avait derrière un projet de faire un test pour détecter l'entérocolite autistique, et qui lui aurait rapporté, il y avait un marché de 32 millions d'euros derrière. Donc, faut savoir qu'est-ce qui motive ceux qui disent des contre-vérités. Alors, vous avez certainement lu ce livre de Nietzsche qui s'appelle Humain trop humain, qui date de 1878. Bien sûr. Dans lequel il y a un chapitre d'une page qui s'intitule « L'avenir de la science ». Ah. Et il dit par exemple que le fait de faire de la science procure beaucoup plus de plaisir que d'apprendre la science. Par exemple, les gens qui ont mis sur pied la table d'addition, 1 plus 1 égale 2, etc., ont fait un effort intellectuel incroyable, puisqu'ils ont émancipé l'idée d'addition de l'idée de chose. Mmh. Dire un éléphant plus un éléphant, ça fait deux éléphants, c'est pas très compliqué, mais dire 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire abstraire l'idée d'addition de l'idée de chose, ça c'est un saut intellectuel. Absolument. Incroyable, mais quand on apprend la table d'addition par cœur, on n'a aucune idée de ce saut intellectuel. Nietzsche dit, finalement, on peut prédire, presque à coup sûr, dit-il, le cours que prendra l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir telle Pénélope défaite pendant la nuit. Mais qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force ? Oui, parce qu'en fait... Ça rejoint ce que disait Blaise Pascal, c'est-à-dire que la vérité n'intéresse que ceux qui l'aiment. Oui, la vérité n'intéresse que ceux qui l'aiment, et en plus, il y a quand même quelque chose de captivant dans la fiction. En fait, c'est même pas le mensonge, c'est la fiction en fait qui fait qu'on va s'intéresser à une histoire parce qu'elle nous séduit. Et il y a parfois des mensonges qui sont séduisants et auxquels on va croire parce qu'en fait on a un besoin de fiction. Ça, c'est, je pense que c'est fondamental. On a beaucoup parlé de la post-vérité au moment de la campagne présidentielle de Bush, mais le mot, en fait, le terme post-vérité a été introduit bien avant, en 1992, par Steve Tesich, qui était un immigré, je crois, serbe, enfin je crois que je me trompe, je suis pas sûr de moi, qui a écrit un pamphlet au lendemain de la guerre du Golfe, intitulé la déroute de l'Amérique. Et il constate dans ce petit essai que le peuple américain, après les mensonges de Richard Nixon, en est venu à avoir peur de la vérité, qui est toujours associée à des informations qui attristent ou déçoivent. Ça rejoint Nietzsche. Il écrit « Nous, Américains, nous ne voulons plus de mauvaises nouvelles. Nous attendons donc du gouvernement qu'il nous protège de la vérité. » Alors, il semble s'inspirer de Orwell, avec 1984, mais en fait, il ne confond pas la post-vérité et le mensonge totalitaire. Il écrit ceci « Tous les dictateurs, jusqu'à ce jour, ont travaillé à supprimer la vérité. Nous, par notre action, nous affirmons que ce n'est plus nécessaire. Nous avons acquis un mécanisme spirituel qui peut priver la vérité de toute importance. En tant que peuple libre, nous avons décidé librement que nous voulions vivre dans un monde de post-vérité. Dans ce monde, nous sommes dorénavant privés de critères par lesquels nous pouvons évaluer les choses de sorte que nous choisissons de voir la vertu dans la banalité. C'est tellement nul que c'est bien. Nous appliquons cette philosophie à tous les aspects de notre vie. Comment sortir de ça en une phrase, Catherine? Oui, c'est difficile. Non, je pense qu'effectivement, la chute du mur, qui a fait vraiment basculer les idéologies et la croyance, puisque finalement, il n'y a pas de monde meilleur. Elle est vraiment en 92, c'est charnière, justement, de cette époque. C'est effectivement, qu'est-ce que le totalitarisme? C'est effectivement privé de la capacité de juger de la réalité. Et c'est vraiment ça qui est vraiment en jeu dans la question de la vérité du mensonge en politique, je pense. J'ai une petite anagramme pour vous, elle aussi trouvée par Olivier Garcia. Oui. L'anagramme de le mensonge avéré. Aha. Ça donne ménageons le rêve. Ah oui. Alors, merci d'être venu en direct nous parler de votre essai L'art du mensonge. Je conseille également la lecture de votre roman qui vient de sortir, qui s'intitule Un ami si dévoué. Merci d'être venu. C'était merci. La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp. À la technique Audrey Guélil et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte. France Culture. L'esprit d'ouverture.